complexe que personne n'applaudit. Je crois qu'il vaut mieux perdre tout qu'être pris. Je chante avec ceux qui aiment à la folie, persévérer dans l'hérésie. J'aime entamer mon récital par un mage à cette chorale qui le festin au bacchanal. Fais de ma voix sa capitale au beau quartier que les anciens ont construit. Affreux pour qu'ils s'effacent de la terre. Je chante avec ceux qu'on veut faire beau petit, mais dont le royaume s'agrandit. Alors à eux d'ouvrir le bal lorsque